Ok. C'est fini. Zien, c'est la fin comme on dit. Eh. Il est temps pour moi de boucler le projet. J'ai pas terminé la marche, mais je progresse. Alors oui, je prends mon temps easy, mais je m'arrête pas du haut de mes 36 bougies. On peut dire que je suis un bon bougre, loin d'être abougri. À Sagi, oui, j'aime toujours autant la boucherie. Bon vivant, je ris avec les proches, la famille. Merci à ma femme, mon amour, dédicace à sa bouffe quand l'estomac crie famine. Et là, je pense aux gosses, mon fils, ma fille, et mon petit gremlins. C'est. Y'a les cousins, les cousines, les copains, les copines, les chercheurs de rimes, les terroristes, tueurs de pâles copies, aux fans de FIFA ainsi que tous les geeks, ceux qui taffent de près ou de loin la musique, ceux qui l'apprécient, je parle de la mienne, je précise, un peu d'ego ça fait jamais de mal, à ceux qui rêvent de cagnottes, à mes vacanciers sans mal, ou sans valise, bref, ceux qui s'emballent un peu vite, mec. Merci à ceux qui soutiennent, à ceux qui se souviennent. Voilà, c'est la fin, ombre à lumière. Livrer sa noirceur en plein jour, c'est fait et j'en suis fier. Ombre à lumière, à ceux qui tendent la main du 9-4 au 49, à mon petit territoire perdu dans l'océan Indien. Bref, j'oublie personne, c'est vrai, peut-être un peu trop casanier. Je me livre tel que je suis, donc pour moi je reste vrai. Et tant qu'il y a de la rime, je reste prêt, c'est. Je dis ce que je pense sans préavis. Je balance ma lumière pour ceux qui restent prêts à vivre. C'est pour ma sœur, c'est pour ma mère, c'est pour les personnes autour de moi, mon frère. Ombre à lumière.